Le meilleur des souvenirs avec Lucenzo Vanda Sakululo, 16h48 et notre premier invité qui arrive dans moins de 10 minutes, Michel Ricou dans les studios de la radio. Arc-en-ciel, c'est la première fois qu'il vient et ça me fait vraiment plaisir. Un bon souvenir avec Billy Paul et Your Song. One of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculptor, Lord, honey, but then again, no. In a traveling show, I know it's not much. I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me a gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is the song. It may be a quite a simple matter, that's how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I go down in words. Words. How wonderful life here is. When you're in the world. If I was on a rooftop, I'd kick off my shoes. Kick off my shoes, kick my shoes off. I'd wear the verses, and then I'd get the blues. But the sun's big white. How wonderful it is when you're in the world, world, world, world. If I sat up on a rooftop and kicked off my shoes, oh yeah. The sun been looking quite bright to kind while I wrote this song. It's the people like you, people like me. I wanna keep a turning on. So excuse me, so excuse me. So excuse me for forgetting. But these things I do. The sweetest eyes, the sweetest eyes I ever. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Avec un bon souvenir, Gimme Up, Johanna, Gimme Up. Il est bientôt 5h, notre invité qui est là dans les studios, c'est Michel Ricoux, on l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et je suis fier de l'accueillir aujourd'hui. Bonsoir, bonjour Michel Ricoux. Bonsoir. Comment tu vas bien? Bah, on fait aller. Hein, alors, on va parler de toi pendant au moins 20 minutes. Hein, grand okay. défenseur de la source. Alors, je suis fier de te recevoir. Parce que moi qui ai habité à la source pendant des années, depuis les années 80 jusqu'en 90 à peu près, je t'ai croisé pas mal de fois, mais on s'est jamais quasiment parlé. Ma maman te connaît. Mais ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me touche de te recevoir aujourd'hui à la radio. Parce que toi, la source, c'est dans ton cœur. C'est chez toi. C'est ta vie. Hein, depuis 70, tu es à la source. Bien avant moi, 70, c'est à la date voilà, où je suis né. Oui. On va expliquer un peu aux auditeurs qui est Michel Ricoux. Alors, qui es-tu, Michel? Bah, je suis Michel Ricoux. Je suis né à Vierzon, dans le Cher. Ouais. Je suis à Orléans-la-Source depuis 1970. J'ai travaillé à la poste pendant de nombreuses années. J'ai pris ma retraite des chèques postaux en 2004. Ah, les chèques postaux. Hein, les, bon, le grand bâtiment. Le grand bâtiment des chèques postaux qui va être démoli parce que les chèques postaux vont être transférés une partie sur Olivet et une partie qui va rester sur la source. Mais il faut se rappeler que les chèques postaux, c'est autour des chèques postaux. C'est construit la source. Ouais, c'est construit la source. Alors il y a les chèques postaux. Puis alors moi, ce qui a marqué ma jeunesse, tu t'en souviens, cette petite salle qui était en face de chèques postaux, casse-dalle, on appelait. C'était ça, non? C'était ce qu'on appelait branlis. Ouais, voilà, la toute petite salle où on faisait des boobs. Des boobs. À l'époque. Il y avait un bordel là-dedans. Par contre, c'était de bon enfant, quoi. Bon enfant, voilà. J'en ai passé des soirées. Hein. Alors Michel Ricoux, donc ta vie, c'est la source. Grand défenseur, comme tu me disais en antenne, j'en ai sauvé des gens d'expulsion. Ouais. C'est ça ton rôle, toi, aujourd'hui, alors? Ouais. Bah, disons que moi, je m'occupe, je suis animateur de la Confédération nationale du logement, qui est une association de défense des locataires. Donc, bien évidemment, on est confronté à des situations de plus en plus difficiles. Ouais. Hein, des gens qui sont menacés d'expulsion, des gens qu'on sauve, d'autres qu'on ne peut pas sauver. Ouais, malheureusement. Mais, voilà, malheureusement. Mais les difficultés sociales sont énormes. La source, je suis également conseiller municipal à Orléans depuis 2009. Ouais. J'ai été conseiller général du temps où la source était un canton et je continue mes activités politiques et associatives de terrain avec des associations, avec des citoyens pour qu'ils fassent bon vivre à la source. Alors la source a beaucoup changé. Ah, c'est ce que je te disais, c'est ce qu'on en parlait en antenne. La source, moi je suis en 80, la source toi 70, il y a eu de l'évolution en bien, en mauvais, comme on le disait. Qu'est-ce qui a été bien pour la source alors? Ben, je crois que le grand projet de ville de la source qui a concerné notamment un quartier où on a demeuré tous les deux, c'est le quartier Camille Flammarion qui s'appelle maintenant Henri Troya. Ah, fais gaffe parce qu'il y a des rappeurs qui écoutent, ils aiment pas Henri Troya. Comme ils disent, fuck Henri Troya. Ça, c'est mes potes du 45 LS, je les salue, la bande. Salut les amis. Ouais. Lugosch, Sangor, Cracovie, Jean Dolon, les Genets, les Pochamps, tous ces quartiers-là, ont été restructurés. Rebaptisés. Et il faut reconnaître que les travaux qui ont été réalisés ont été d'excellente qualité. C'est sympa, c'est propre. Ça, il faut reconnaître. Quand on se souvient de la fin des années 90 et qu'on voit maintenant. Sauf qu'il y a eu quelques soucis en termes de hausse de loyer. Ouais, 80%. Ah oui, il faut bien payer les travaux. De loyer. Une baisse des charges de notre côté, mais bon, voilà. Mais c'est le grand projet de ville a toujours eu mon soutien, même s'il a fallu batailler ferme pour améliorer les choses, c'est une très bonne chose. Il y a eu la salle Ménouflet, il y a eu l'école Kergomar, il y a l'hôpital, il y a plein de choses positives. Au jour d'aujourd'hui, on est c'est le côté positif. Hein. Voilà. Il y a quand même, moi j'estime qu'aujourd'hui, on est un peu sur une bascule. Ouais. On a des soucis au niveau du commerce et on était encore samedi dernier en rassemblement au centre commercial de la Bolière avec des associations, des citoyens, des élus pour justement que le centre commercial de la Bolière redevienne un centre dynamique. Alors il est en travaux là. Hein. Là il y a des travaux qui ont été lancés, mais la fin des travaux c'est la fin 2020. Donc il y a un boucher qui était emblématique sur la source. Ouais, on le connaît, c'était monsieur Adam Chaud, 33 ans à la source, qui ont été à 2002, qui sont venus là. Et leur départ aujourd'hui n'est pas remplacé. Et donc on se bat, nous, pour qu'il y ait un remplaçant. On se bat aussi pour qu'on ait une vision claire et nette du devenir de ce centre en termes de nouveaux commerces. On se bat aussi par rapport au Carrefour Contact qui a été fermé à l'Indien et qui au jour d'aujourd'hui... Pourquoi il a été fermé justement? Parce que il y a beaucoup de commerçants qui se plaignent bien sûr. En disant nous on peut plus aller faire nos courses à côté, on est obligé d'aller dans l'autre centre commercial à Olivet, là dans la zone. Bah, parce que c'est Carrefour et Carrefour a décidé de fermer plein de magasins, licencier du personnel alors que Carrefour avait les moyens de faire vivre ce centre. Alors ils ont fait du bénéfice. Hein, ils ont fait des bénéfices. Honnête, hein. Ouais. Ce qui compte avec Carrefour, c'est pas les clients et le personnel, c'est les actionnaires. Ouais. C'est clair. On pense qu'aux actionnaires. Alors on parle de centre commercial, le 2002 qui a été un peu abandonné. Le 2002 qui a abandonné. Bah, il a abandonné. Moi j'ai connu le 2002 dans les années 80. Il était vivant. Il y avait des banques, il y avait des il y avait un magasin de sport, il y avait une bijouterie, il y avait un PVMU. Aujourd'hui il y avait un Spar. Enfin on appelait ça un Spar à l'époque. Je crois que c'était tout ça. À fait, genre. Aujourd'hui il y a plus rien quasiment. Il y a plus rien. Oui. À part le PMU, je crois qu'il est toujours là, non, le bar. Le PMU, il y a le bureau de tabac. Le bureau de tabac. Ouais. Hein, mais le PMU, non. Le PMU, c'était à la Bolière, ouais. À la fin. Et au jour d'aujourd'hui, le problème du commerce, c'est un problème important sur la source qui n'est pas réglé. C'est pour ça qu'on se mobilise. Ouais. Parce que moi, je suis pour que les citoyens se mobilisent, qu'on n'attende pas tout des politiques. Des pouvoirs publics. Ouais, des pouvoirs publics. Même si on a besoin d'eux, il faut que les citoyens s'impliquent. C'est le béaba de l'action de la base. Que j'essaye de mener en tant qu'élu, en tant qu'associatif. Un sacré personnage, Michel Ricoux, parce qu'à chaque fois que je parle de toi, moi les gens me parlent de bien en toi. Après, bon, t'as des gens qui t'aiment pas, pour être honnête, hein, comme tout le monde d'ailleurs. C'est normal, c'est logique. C'est logique. Oui. Ouais. Et l'autre point important aujourd'hui, c'est la maison de santé de la source, qui était un bon projet, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des soucis, donc on travaille là aussi pour qu'on ait des nouveaux médecins. Donc il y a une association qui s'appelle le COSEN qui vient de Paris, qui reprendrait la gestion de la maison de santé en amenant des médecins. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, quasiment. Le seul médecin qui existait, c'était Docteur Couteau. Couteau, c'est la dalle. Alors lui, c'était un super bonhomme. Il a la retraite, je suppose, maintenant. Ah oui. Quel bonhomme, quel personnage. Alors ce qui était bien chez lui, t'arrivais chez lui, il y avait 40 personnes qui attendaient. Hein. Toujours. À peu près, hein. Minimum. Oui. Hein. Et donc là, on est passé quand même de 15 médecins dans les années 80 à 5 ou 6 maintenant. Ouais. Alors que la population, on est quand même autour de 20 000 habitants. Ouais. Donc il y a un vrai déficit de médecins. Ouais. Il y en a un qui, il y a une doctoresse qui part là à la fin de l'année. L'autre docteur part en avril. C'est pour ça qu'on se mobilise aussi là-dessus, parce que c'est très très important. Et puis il y a d'autres combats comme plus récent, le collège Alain Fournier. Ah, le collège Alain Fournier, on y a été. Eh oui, collège Alain Fournier, en face de la Bolière, qui va craquer, comme on dit. Ouais. Parce que tellement il y a d'élèves, et c'est bien qu'il y ait des élèves. Il va exploser. Mais les moyens ne suivent pas, en termes de locaux, en termes de moyens. De personnel aussi. Hein, de personnel et tout. Dans les classes, donc, c'est bourdeux. Si, c'est un vrai problème. Donc, tout ça, c'est des combats qu'on mène, que je mène avec d'autres. Mais toi, ça, Michel, c'est ton quotidien, on va dire. Oui. À un moment, il n'y a pas, faut être honnête, toi, t'es un humain comme tout le monde, il n'y a pas un ras-le-bol à un moment. Bah, disons qu'il y a des fois qu'on est un peu. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Mais bon, je crois qu'il faut garder le cap et puis ne jamais se démoraliser. Et surtout, il faut travailler avec d'autres. D'autres, ouais. Avec d'autres citoyens qui m'interpellent. Je leur dis, ok, très bien, mais vous, venez avec nous. Sur le terrain. Sur le terrain. Tu fais penser un peu à Yves Boitard. Yves Boudard, c'est mon ami. Je salue Yves. Salut Yves. Tu dois nous écouter sûrement. Oui. T'es un peu le même personnage que Yves. Ah oui. Ben nous, on s'est connus avec Yves à la fin des années 90, quand ça allait pas bien à la source. Ouais. On allait ensemble dans les escaliers essayer de discuter avec les jeunes. Et c'est là qu'on a tissé du lien. Et moi, je sais que Yves, c'est un ami. On était encore ensemble à la préfecture avec d'autres associations comme Les Mains Tendues, Au cœur de la rue, les Restos du Cœur, enfin, pour justement aider les gens. Ouais. Et pour qu'on trouve des places d'hébergement d'urgence. Ouais. Moi, le boulot que font ces associations sur le terrain de venir en aide aux gens, c'est remarquable. C'est du concret. C'est du concret et c'est du boulot, c'est du vrai job. Boulot. Attention, parce qu'il faut y aller hein, sur le terrain. Il faut y aller. Parce que il s'agit pas de quoi de discourir. On peut pas être dans un bureau en parler et puis pas voir ce qui se passe sur le terrain. Je salue Yves, je salue Jérôme Schenck, Denis Petitjean, Madame Bernot, qui sont vraiment des acteurs au concret, au contact des gens en grande difficulté. Alors, on parlait des belles choses à la source qui ont été faites quand même dans le nouveau quartier, etc. Le côté un peu négatif. Pour toi, c'est un peu cloisonné. On le disait à l'époque, on pouvait jouer au foot derrière, il y avait le terrain, on jouait devant Camille, etc. J'ai un pressentiment que maintenant on est un peu barricadé la source, même si c'est des très belles habitations. Attention, ils ont mis les moyens qu'il fallait quand même aussi. Mais à l'époque, c'était plus ouvert. On était bien quand même à l'époque. On n'était pas dans des super logements, faut être honnête. Mais je trouvais qu'il y avait un côté familial, sympathique. Hein. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Au début, c'était comme ça. Ouais. À la fin des années années 90, ça craignait un peu quand ouais, même. Un peu, ouais, ouais. Il y a eu le bordel. Donc il y a eu des travaux de réhabilitation qui ont été faits, qui sont très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question des résidentialisations qui ont permis, alors, peut-être que le mot peut choquer, une certaine sécurisation des habitants. Gens, oui, c'est ça. Parce c'est... que les gens se sentaient un peu hors sécurité, parce que avec tous les phénomènes qu'on a connus, bah, la source, on a connu tout ça. Et peut-être que aussi les gens avaient envie de sécurité aussi. Voilà, aussi, il y avait les deux. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait ces terrains où les gens ne pouvaient jouer. Pas ce terrain de football mythique, oui. Hein, en sable, à moitié sable, pelouse. Hein. Ah bah oui. Mais maintenant, bon, il y a quand même il y a le gymnase Minouflé qui a été construit. Il y a quand même des terrains. De ce côté-là, faut pas. Moi, ce qui m'inquiète surtout sur la source, c'est surtout la maison de santé et la question liée au commerce. Au commerce. Ce sont les deux choses sur lesquelles il faut qu'on se batte. Avec les habitants de la source, les associations, les élus qui veulent bien se battre sur ces questions-là. Moi, je sais que c'est un discours que je porte à la source, que je porte au conseil municipal et au conseil métropolitain, à chaque fois, même si j'agace un peu. Tu aimes bien titiller, agacer. Tu titilles un peu le maire d'Orléans, on l'a reçu il y a 15 jours, Olivier Carré. Tu titilles un peu. Oui. Mais Olivier Carré, bon, on n'est pas d'accord, mais on discute. Ouais. Il a le dialogue. Oui, on a du dialogue. On a du dialogue et c'est bien. L'essentiel, c'est d'avancer. Ouais. On garde nos convictions, nos valeurs, nos projets politiques, mais ça n'empêche pas de discuter avec tout le monde et avec Olivier Carré. On discute et on essaye. Quand on le peut, de faire bouger les choses. Bah justement, de faire bouger ce projet de commerce à Bolière est important aussi, parce qu'il était un peu délabré, il était un peu laissé à l'abandon. Il y a eu un peu de zone, entre guillemets, qui se crée là-haut. Bah, moi, oui, je ne sais pas s'il n'y a pas les, avant. Les bailleurs qui louaient les commerces ont laissé les choses se dégrader. Donc là, la ville, la métropole reprennent en main un peu tout ça, en injectant des fonds publics. C'est très bien, mais maintenant, voilà, il faut que ça se concrétise par l'arrivée de nouveaux commerces. Moi, je sais que... Est-ce que les gens ont envie de venir à la source? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui peut donner aujourd'hui l'envie de venir? C'est quand même... Ça donne envie, oui, quand même. Parce que lorsqu'on a fait notre rassemblement samedi avec François Foussier, l'adjoint au maire chargé du commerce, il a quand même dit une chose importante que moi j'ai retenue. Il a dit, à la source, il y a du potentiel pour un commerce comme à la Bolière. Donc, maintenant travaillons ensemble pour que ça se concrétise rapidement en termes de nouveaux commerces et notamment d'une boucherie. Alors on parle de la source, l'ancienne source. On a été déçus, on a été choqués aussi quand ils ont détruit l'horizon. Le foyer Horizon. Avec des foyers qui justement permettaient aux jeunes de venir. On parlait d'escale, on va en parler après, mais on a plus de foyers vraiment concrets. Il y a les Azelco qui. Oui, Azelco, avec Saïd qu'on salue. Bien sûr, qui font un travail quand même important. Pas qu'en direction des jeunes, mais ils font un travail important, les Azelco, les trois, Romain Roland, Sainte-Beuve et La Bolière. Il y a Escale. Escale. José Soares, que je salue au passage, qui doit écouter, je pense. Karim et tout. Ah, Karim. Et ils font un boulot énorme sur le quartier. Quand je me rappelle du début d'Escale avec lui, Chiv et Laf. Bah, moi, ils étaient en face de chez moi, ils étaient dans les caves, ils stockaient les bicross à l'époque, c'était là, Escale. C'était là. Et maintenant, donc, ils sont au 2002, ils font un travail remarquable. On se bat pour qu'ils aient les moyens suffisants. Et on est écouté quand même par Sofiane Sancon, l'adjoint. Ah, Sofiane, voilà. Moi, je crois qu'il faut être dans le... Moi, je suis peut-être un peu à part. J'ai mes convictions d'élu communiste. Je les cache pas, mais je suis prêt à discuter avec tout le monde pour que les choses bougent. Et avec Sofiane, on a pu, il y a des financements qui ont été attribués à Escale qui permettent aujourd'hui à Escale, mais peut-être qu'il en faudrait plus, voilà, on est écouté, il y a des choses qui se font, et c'est bien. On parle de financement, la piscine, qui va être toute refaite. La piscine de la source, un très beau projet. Elle était mythique quand même, cette piscine. Moi, j'y étais un paquet de fois, on a escaladé un paquet de fois les murs pour aller en fond de la piscine. Et oui. Qui l'a pas fait, la source. Et nous, à côté de la piscine de la source, la piscine qu'on appelait la piscine PTT. Les PTT qui est fermée maintenant. Donc, nous, on travaille Alors, on a fait avec un groupe de citoyens et d'associations, on veut travailler sur l'après chez Posto. Ouais. C'est-à-dire en termes de qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Donc, on a fait un groupe de travail qui est un peu en sommeil aujourd'hui parce que on n'a pas de nouvelles des chèques postaux, de la banque postale, ah ouais, pour savoir quand est-ce que ça va être détruit. Ouais. Et ce qui fait que c'est un peu on est un peu en stand-by, quoi, là. Et nous, on travaille pour qu'à la place, on pense emploi, formation, ouais, commerce. Ouais. Hein, bon, donc nous, on a rencontré et François Bonneau de la région et le Ménian quand il était président de l'agglo, le maire d'Orléans, le conseil général. Enfin, on a vu toutes les collectivités pour leur dire on est prêt à travailler avec vous pour réfléchir ensemble à la prochaine posto. Je crois qu'on est dans une période politique où il faut qu'on soit à l'écoute des gens et qu'on construise avec eux. Ouais, c'est ça. On n'est pas du tout dans la période. Construisons ensemble. C'est voilà, ça. Ouais. Ensemble. On n'est plus du tout dans la période où je suis élu, je décide. Ouais. Non, le citoyen doit après, dire. Après, je suis élu, je décide dans un bureau, c'est pas pareil. Hein, non. C'est pas facile, ça. Élu dans un bureau. Il faut être dans la construction avec les citoyens. Une construction. Quelles que soient leurs idées. Ouais. Par ailleurs. Voilà, c'est ça s'appliquer. Être citoyen aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, être citoyen. Toi, citoyen depuis les années 70, grand défenseur de la source. Si aujourd'hui, Michel Ricoux avait un souhait à faire en direct sur l'arc-en-ciel, la source, t'as un slogan, toi, aujourd'hui, la source, c'est où la source venait, ou je sais pas. La source, ouais, il est bien. La source, il faut y vivre ensemble. Ouais. Pas cacher les problèmes qui s'y posent. C'est vrai. Et en même temps, voir qu'il y a de la solidarité. Quand on rassemble, comme samedi matin, une centaine de personnes pour ces problèmes de commerce, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est le deuxième rassemblement qu'on a organisé. C'est énorme. Sur ce thème-là, c'est important. Je crois que le problème de la source, c'est qu'il faut que les gens s'investissent, ouais, sur les problèmes qui les concernent. Maison de santé, commerce, c'est des choses essentielles. Tout à l'heure, je parlais du collège Alain Fournier. Oh, j'y étais, moi, attention. Oui. Ouais, on se marrait bien à Mariotti. Mariotti, Mariotti, le diable. Ah oui. Il m'a la vie défaissée, celui-là. Oui, et donc, parce que maintenant, le collège Alain Fournier n'est plus où il était avant, à côté de Frère Chape. Ouais. Il est où il y avait le centre de tri automatique, ouais, avenue de la Bolière. Mais donc, il a été refait très bien, sauf qu'il craque. Il est plein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est plein et il faut des moyens. Donc il y a une bagarre. Moi, je suis membre du conseil d'administration de ce collège. Ouais. En tout cas, j'y représente la source. Ouais. Donc moi, j'entends ce qui se dit. J'entends les doléances des enseignants, des parents d'élèves et même de la direction du collège. Il faut des moyens. Donc on interpelle le conseil général, l'éducation nationale. Je pense que... Mais on interpelle. Est-ce que vous êtes, parce que je ne veux pas admettre que toi, vous êtes vraiment écouté, Michel Ricoux? Là, je crois que... C'est pas facile d'interpeller, hein. Ah, je sais, on peut interpeller. Après, il faut du concret. Ouais, du concret. C'est pas toujours facile. Ouais. Je suis bien d'accord. Mais je crois que là, le message a été entendu. Et je pense que dans les prochaines semaines, peut-être après les vacances de Noël, ouais, on aura des informations. Parce que il n'est pas possible de laisser un collège plein crack, ouais, sans qu'on ait les moyens qui vont avec. Il faut, parce qu'après, ça va partir en live, comme on dit. C'est un collège en REP, réseau éducation prioritaire. Ouais. Et c'est un collège qui accueille des enfants du quartier. Mmh. Il y a besoin d'ouvrir le collège, ouais, sur l'extérieur, pour pas que les collégiens se renferment sur eux-mêmes. Ouais. On a besoin de projets pédagogiques. On a besoin tout ça. Mais ça demande des financements. Ouais. Hein, on peut pas dire d'un côté, on restreint les budgets et puis après, on met les collèges plein à craquer. Et puis que les, ouais, collèges, le collège craque et puis qu'il y ait des répercussions au niveau du quartier, mmh, en termes de conneries faites c'est par ça, les jeunes. Ouais. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre. Il faut être logique, il faut être honnête dans la vie. Voilà. S'il y a trop de monde, il y aura forcément des conneries. Il y a des conneries, oui. Là, ils vivent des situations difficiles. En plus, c'est un collège qui accueille des élèves en ULIS, ouais, handicapés. Ouais. Donc, faut le prendre en compte, ça. Donc, j'espère que ce qui se fait là, les grèves, la conférence de presse de la semaine dernière, moi j'ai écrit à Monsieur Godet pour lui dire, il faut qu'on se voit, il faut réfléchir. Ouais. C'est pas possible. J'espère que ces actions convergentes vont permettre de faire bouger les choses. En tout cas, un homme de terrain, Michel Ricoux, tu le disais tout à l'heure sur les expulsions, on te voyait souvent à la source rôder, traîner. Tu as assisté à beaucoup d'expulsions, tu étais oui. sur le terrain avec les, entre guillemets, les huissiers malheureusement. Bah, oui, et t'es là, tu te bats, ouais, c'est. Bah, on c'est... a. Ouais. Mais on t'a vu, moi je t'ai vu plusieurs fois quand j'étais gamin, hein. Je me souviens encore, hein, Michel, dans les immeubles, hein, avec beaucoup de monde et essayer d'arranger, de sauver ouais, des familles. Hein. Bah, disons que nous, en tant qu'association de locataires, on préfère prévenir que subir l'expulsion. Ouais. Donc on accompagne souvent des locataires auprès des services contentieux ouais. des bailleurs ouais. pour qu'on trouve des arrangements de paiement échelonné, de retour d'APL. C'est des problèmes ouais. qui sont pas toujours faciles à régler, ouais, mais on le fait. On le fait. Là, il faut savoir que là, j'ai pas les chiffres en tête, mais en 2019, il y a un nombre d'expulsions plus important que 2018. Ouais, beaucoup plus important. Beaucoup plus. Donc, il y en avait moins dans les années 90. C'était pas pareil, j'ai on va dire. Les chiffres en tête, non, mais là. C'était pas pareil, mais on va dire. Il y a quand même des structures maintenant qu'on appelle la CAPEX, Commission de prévention des expulsions, où on est représenté, qui joue un rôle important en amont pour essayer de voir ce qui peut être fait. Et ça, c'est important. Mais le problème, au-delà de l'expulsion, c'est le problème des loyers. Eh ouais, les loyers. Hein? Alors, plus les loyers augmentent, et puis les ressources des gens ouais, baissent. Ouais. Donc, il y a un problème. Il y a un moment donné où ça coince. Bah le problème du loyer, c'est quand on laisse un traîner, deux traîner, trois traîner, puis après, bah, tu rentres dans une. Tu peux plus après. Tu peux plus surmonter tout ça. Tu peux plus, c'est ça, et le problème. Puis, ouais. Et puis, il y a la question aussi de la construction de logements sociaux. Ouais. 10 400 demandes en souffrance sur la métropole. Ouais. On va démolir 844 logements à la source, avec la T17. La fameuse T17. Ah, la T17, j'en ai passé des soirées. Je faisais du roller là-haut, la T17. On faisait tous du roller d'ailleurs. Hein. À l'Argonne, ce qui va être démoli, aux chaises à Saint-Jean, ouais. 844 démolitions. Du temps de Jean-Louis Borloo, on était sur une démolition, une reconstruction. Ouais. Maintenant, on est sur une démolition, 0,8 reconstruction. C'est ça le problème. Mais c'est pas possible. Bah, ça craque, comme tu dis. Bah, c'est oui. comme le lycée, ça craque. À bah, un oui, moment, c'est pareil. Ouais, ouais, donc, 10 400 demandes en instance, des gens qui ont des demandes en instance depuis des années, qui couchent dans leur voiture, ouais. je ne veux pas faire du misérabilisme, mais c'est les réalités. C'est la réalité. Ouais, c'est donc, ça, il faut le dénoncer. Comme tous ces gens qui sont à la rue, même si on a pu obtenir des places en plus au niveau de l'hébergement, avec notamment Yves, Denis, Annick Bernot et toutes ouais. les associations, on a pu obtenir des places supplémentaires quand on a été reçu en préfecture. Préfecture. Ça fait... 15 jours, 3 semaines, mais c'est un combat, ça. C'est pas possible que des gens qui ont un boulot, même si ce ne sont pas de boulot, qui sont au RSA, qui font une demande depuis 3, 4, 5 ans, n'aient pas de solution. C'est pas possible. C'est pas normal. Quel défenseur, Michel. Et c'est ce problème-là, malheureusement, il n'est pas assez pris en compte par tout le monde. Moi, j'ouvre ma gueule, je m'excuse. T'as raison, vas-y, c'est libre antenne. Pour dire, faut construire. Il faut savoir qu'il y a des communes qui ne veulent pas de logements sociaux. Pourquoi ? Ils ne veulent pas de bordel, c'est oui. ça ? Pourtant, on peut habiter... Attention, je dis pas de bordel, hein, loin de là. Hein. Les logements ouais. sociaux, ouais. Les gens qui demeurent en logement HLM sont des gens aussi respectables bien sûr. Que les gens qui demeurent qui sont propriétaires. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des communes qui s'en font tirer un peu l'oreille pour construire, même si... Même s'ils sont obligés de le faire, attention, mais, dans l'obligation. Préfèrent payer des pénalités plutôt ouais. construire. C'est bizarre. Mais ça. Il faut, comment dire, même si des efforts ont été faits, quand même, on est quand même loin du compte. Orléans, on n'a pas à rougir. Non. 28% de logements sociaux, on est au-dessus des communes autour de la autour d'Orléans. De métropole. Ouais. Bon, même si je discute souvent avec le maire d'Olivet, il faut faire un effort. Mathieu, c'est Serge qui va venir à la radio au mois de juillet. Ben, voilà. On lui posera la question. On lui posera la question, Mathieu. Hein, Michel Ricoux, voilà. Notre invité aujourd'hui, 22 minutes d'antenne, c'est énorme. Et pour terminer, Michel, un dernier mot. Un dernier, il y a tellement des mots à mon avis. Juste avant, moi j'ai une question, Michel, personnelle, entre guillemets, attention. Tu vas rester toute ta vie là jusqu'à la fin de ta vie sur Défenseur de la Source. Ah, je sais pas. Ouais. La vie elle n'est pas toujours faite de. N'est pas dans nos fleuves tranquilles. C'est sûr. Ouais. On sait jamais ce qui peut arriver. On prend de l'âge. Oui, c'est ça aussi. J'ai on fatigue 61, un petit peu. Après 71 ans. Hein. Ah ouais, bah, donc, respect, Michel. Il faut quand même se ménager un peu. Et puis voir un peu quand même un peu l'avenir. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Mais pour moi. de 70 à je sais pas quand, la sauce a été pour moi un combat de tous les jours. Un vrai combat. En tout cas, Michel Ricoux, je suis fier de t'avoir reçu aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Un dernier mot à rajouter, Michel, une réunion qui arrive, là, quelque chose d'important? Disons que non, il n'y a pas de réunion qui arrive, il y a un conseil métropolitain jeudi, ouais, sur le budget. On reparlera certainement encore du logement. Il y a cette question, donc, moi qui me tient à cœur à la source, les deux questions qui me tiennent à cœur, la maison de santé, le commerce. Le commerce. Là, c'est dans l'immédiat, c'est mes deux priorités, ouais, avec d'autres, hein. Bien sûr. Pour qu'on travaille ensemble, pour trouver des solutions. Alors, Michel Ricoux, bah, merci d'être venu sur Radio Arc-en-Ciel. C'est moi qui vous remercie. Merci pourquoi? Pour deux choses. Déjà, moi, ça, je suis un peu impressionné parce que je t'ai croisé tellement de fois, je t'ai jamais quasiment parlé, mais, voilà, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Et je suis fier de recevoir Michel. Eh ben, je t'en remercie. Michel. Merci. À très vite. Et puis, continue. À très vite. Continue ce beau combat. Continue le combat. Merci. Mais on se fait une photo quand même. On va se faire une photo. Ok. Michel Ricoux en direct sur Radio Arc-en-Ciel. sacré personnage. On discutait avec Michel Ricoux dans les studios. Là, on s'est rappelé des bons souvenirs. Un sacré personnage. À 17h30, c'était Michel Ricoux, défenseur de la source et grand défenseur dans les studios de la radio. Que tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Métalo con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Suelta las manos, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el Ciel, le son Alex Sinem Fido. Heureux d'être avec vous. 17h34, la météo pour demain. Demain, le 17 décembre. La météo. Demain, le ciel sera gris, malheureusement, chargé de pluie encore. Les températures relevées du jour, 5 petits degrés, mais on va quand même monter jusqu'à 14 degrés. Ouais, ça se radoucit, c'est bien. Par contre, ce qui est chiant, c'est la pluie. Ouais, pas de soleil demain. Il y a un petit peu de soleil, je vous dis, ça fait du bien. Du son caliente, tiens, pour vous réchauffer en sortant du bureau, voici Badox. Contrôle sur Radar Franciel. Et puis Nordine Atam, notre invité, qui arrive dans quelques minutes en direct. Nordine, que vous retrouvez sur France 5. Ah ouais, il est là dans les studios dans quelques minutes.

closer for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they want to kill me. Even when you're gone, I'ma haunt you like a Chris Webber timeout final four. So to the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do us part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Quand on regarde à toi, j'ai le mien. Comme le soleil à chaque matin. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Oh, ya habibi, la la. Haram alik, khalini wahdik, ya. Nimshi min ayn el moum el khouf ali. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Bibi, I love you. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Alors l'invité, j'ai eu Michel Ricoux il y a quelques minutes, et puis bah là, il vient d'arriver dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Il a une vie de famille et je suis fier de le recevoir. Ça fait 2-3 fois qu'il vient sur Radio Arc-en-Ciel. Nordinatab, bonjour. Salut Franck. Comment tu vas bien? Très bien. Eh, t'es venu avec la petite fille. C'est ça. Ouais, ta fille que t'as été chercher à l'école. Elle s'appelle comment, mademoiselle? À me dire. Nali. C'est ça? Bonjour, comment tu vas bien? Bien. Ça va, c'est la première fois que tu fais de la radio, t'es impressionné? Oui. C'est joli la radio, t'as vu, hein, y a plein de boutons partout. Elle était impressionnée quand elle arrive à la radio, hein, elle regardait un petit peu partout, mais c'est normal, c'est une enfant après. Hein, quand je lui ai dit qu'on allait voir Francky, elle m'a dit Francky, fruit de la passion. Ouais. Et tout le monde me fait le coup, vas-y Francky, c'est bon. Pourtant, elle ne devrait pas être impressionnée quand tu vas sur France 5, tu l'emmènes pas des fois, non? Elle est venue une fois sur un plateau, donc sur le magazine de la santé. Ouais. Elle est venue quand elle. Oh là là, elle avait 3 ans. Je crois que je faisais une chronique là. Donc c'est vieux alors. Et pour le coup, ça s'était très bien passé en répète et après en direct. Souvent. Elle me dit non, je veux plus le faire. Et bah tu vois, elle a tourné un petit peu partout et maintenant elle est en direct. Ouais, mais elle est impressionnée, elle a le casque sur les oreilles, elle nous entend. Mmh. Et elle va s'installer tranquillement. En tout cas, ça c'est que du bonheur de voir tous les deux là. On pourra faire une photo après. Ah bah, hein, grand plaisir. Hein. Et puis même moi, ça me fait très plaisir qu'elle puisse découvrir un petit peu le. Mon monde. Ah voilà. Et en plus, on est en direct, c'est bien, parce que tu peux faire ce que tu veux, là, Nali. Tu peux tousser, tu peux crier. Est-ce que t'as un message? Tu veux dire bonjour à quelqu'un, peut-être? À des copains. Tes copains? T'as pas un copain, une copine à qui tu pourrais dire bonjour? À maman. Vas-y, dis-lui bonjour. Allez, bonjour. Assis. Voilà. Ah, c'est mignon. Nordinatab, le magazine de la santé, bah, toujours, hein, toujours. Sur France 5, la chronique 13h40, la chronique sport. Ça se passe bien, ouais, pour toi, toujours? Ce n'est que du bonheur. Tu m'étonnes. Comme je le dis, c'est toujours un plaisir de travailler avec Marina, avec Philippe, avec les autres aussi intervenants maintenant que Michel est sorti un petit peu de l'émission. Ouais. Mais non, ça n'est vraiment que du bonheur. Et puis en plus, j'ai la chance d'être en chronique avec professeur Françoise Forette, qui est une dame adorable, qui a 84 ans et qui pour moi vient crédibiliser tous les exercices que je mets à la télé, étant donné que je l'utilise pendant la chronique, donc c'est top. Et on a vu des petits montages, hein, d'exercices un peu olé olé, on va dire, mais c'était rigolo. Bah oui, parce que l'idée de toute façon, c'est toujours de voilà. Je trouve que dans le quotidien, tu le sais, c'est pas forcément rigolo tout ça, voilà, on a des vies un peu speed et les news sont pas forcément marrantes des fois, donc là, si au travers de ma chronique, je peux donner du sens et puis un petit sourire avec des mouvements qui font un peu rigoler, qui prêtent à sourire, j'ai tout gagné, d'autant plus qu'en plus les gens après 7 ans ou 8 ans après me disent je me souviens de l'exercice, parce que c'était sympa, parce que c'était ludique, et si c'est ça, grâce à ça on va retenir l'exercice, donc pour moi c'est tant mieux. Et justement, ça se prépare avec eux tous ces exercices, vous voyez avant, on en surtout parle pas, parce que moi je sais qu'en radio, quand j'ai bossé dans d'autres radios, on préparait plein mal de choses avec des chanteurs, avec des acteurs, etc. Mais là il n'y a rien de préparé, là t'arrives comme non, ça, c'est surprise. Non, je fais les répétitions avec le cadreur, avec Ouais, bien sûr. Et avec le réalisateur. Ouais. Mais que ce soit les présentateurs, Marina ou la chroniqueuse, personne n'est au courant de ce que je vais faire, ce qui pour moi me donne beaucoup de, voilà, de facilité à mettre les exercices. Et puis eux, après, bah, ils sont obligés de le faire. Donc ça, c'est très cool. Et justement, quand ils te voient y arriver, ils se disent pas qu'est-ce qu'il va nous préparer. Ouais, ils te posent la question. Ouais, je te cache pas qu'il y a les petites boules dans le ventre, à se dire, où ils viennent me dire à chaque fois. Attention, tranquille aujourd'hui. Ouais, j'ai mal au dos, j'ai mal au. Ouais, c'est ça. Elle me dira, s'il te plaît, non, vas-y, cool, parce que là, tu vois, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, ouais. Non, c'est très bien ça. Ça fait combien de temps que tu es sur le magazine de la santé là? Écoute, j'ai débuté, j'avais 28 ans. T'as, t'es comme moi. J'ai 28 ans et j'en ai 43, j'en ai 44. C'est ah ça. Ouais, ça passe. Non, mais c'est à une vitesse, quoi. Mmh. Et ouais. Voilà, donc c'est toujours un plaisir et on s'entend très très bien. Qu'est-ce qui, pour donner envie aux auditeurs, comment t'es arrivé justement sur France 5, ceux qui ne connaissent pas vraiment l'ordinateur? Ça m'est tombé dessus en fait. C'est le fils d'une personne qui malheureusement est décédée, qui était quelqu'un de très gentil, très connu à Orléans, Patrick Baruel. Ouais. Son fils était en stage de 3e dans les studios de France Télévisions. Et à un moment, donc il y a 14 ans, et il entend dans les studios, on a besoin d'un coach pour une séquence, quelqu'un en connaît un. Et le gamin, il est là dans son bureau, il aurait pu rester à côté de la photocopieuse, et il sort et dit, mon papa, il en a un, mais il est à Orléans. Et il lui dit, tu nous files ses coordonnées. Ils m'ont appelé, on a fait un petit essai, puis au bout de 15 jours, ils n'avaient pas de chronique sport. Ils disent, écoutez, à partir de la rentrée, si ça vous intéresse, on vous propose une chronique. Et c'était parti, l'aventure était lancée. Une belle notoriété, surtout sur Orléans, tout le monde te connaît, Nordine à table. Moi, quand je dis Nordine, Nordine, qu'est-ce qu'il est. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est simple. Arrête, François, plus que toi. Non, moi, je sais pas. Mais toi, j'adore. Mais à chaque fois que je te vois, Nordine, t'as tout le temps le sourire. Non, mais sérieux, je t'ai jamais vu faire la gueule. Tu fais la gueule des fois? Attends, je vais poser la question à ta fille. Est-ce que papa il fait la tête des fois? Non. Allez, dis-le, est-ce que je fais la tête des fois? Est-ce qu'il fait la tête? Non. T'as le droit de le dire. Hein. Tu peux, hein? Est-ce qu'il fait la tête? Je sais pas. Est-ce qu'il te gronde des fois? Bof, pas trop, hein. Non, je avec les yeux, je regarde. Voilà, ouais. Juste le regard, là. Non, mais en même temps, je suis tellement amoureuse d'elle que. Elle est magnifique, ta fille. Je suis un petit peu un canard avec elle. Un beau canard, en tout cas. C'est ce que je te disais, toujours souriant, toujours ramenant. C'est important dans la vie, ça, Nordine, hein. Ouais, je crois que dans notre quotidien, mais toi aussi, c'est-à-dire qu'on allume la radio, ça donne envie d'écouter Arc-en-Ciel, envie de t'écouter aussi, c'est-à-dire que t'as ce côté pétillant-là. Et si chacun dans son domaine, on peut le ramener, c'est très bien. Si ça peut ramener un petit peu de bien-être et de douceur dans la vie de chacun, on a gagné. Nous, ce qu'on voulait sur Arc-en-Ciel, surtout dans mes émissions, nous on voulait une émission, on se prend pas la tête, on n'est pas une grosse radio, on déconne, on dérive un peu des fois, et puis on aime ça. On voulait pas super. Le côté structuré, le timing, comme sur d'autres radios où j'ai bossé, on était timé, c'est la fin, faut y aller, et puis toujours prévenir les invités, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Souvent c'était le cas, hein, t'as connu surtout. Avec toi, on est libre. Non, moi les gars, il faut être honnête, je prépare 2-3 trucs, mais ils arrivent, Michel Ricoux il est arrivé, il a parlé comme. Tu parlais à un pote, hein. C'est ça qui est bien. Alors, la suite, Nordine, à côté, il y a plein de choses. Côté sportif, tout le monde le sait. Oui, alors eux, au niveau local, il y a le coaching sportif, il y a la salle. La salle, c'est le nom de la salle. Voilà, parce que je cherchais un nom, je me suis dit, qu'est-ce que je vais choisir comme nom? Ça faisait 10 ans que j'avais une petite première structure, et puis là j'avais envie de passer un palier, et je me suis dit les gens on va où? On va à la salle, donc simplement c'est parti, on va à la salle. C'est vrai que souvent les anciens disent ça, on va où, on va à la salle, c'est ça, c'est né comme ça. Donc là maintenant pour le coup je me suis associé avec Brice Ornon, donc on chapeaute la salle une ou deux, et ça se passe très très bien. Après un an d'ouverture, on est très content, et on travaille autant avec des enfants, avec des ados, avec des adultes, avec des seniors, mais aussi des sportifs de haut niveau, et ça c'est très très chouette. Des sociétés, vous préparez il y a des marathons qui ont été préparés. Il y a des challenges auprès des entreprises, que les entreprises aujourd'hui veulent instaurer des dynamiques sur l'activité physique, sur le sport, pour fédérer justement, pour pouvoir ramener aussi du bien-être dans leur entreprise. Et donc oui, il y a plein de challenges qui se mettent en place, que ce soit de la course à pied, que ce soit de l'ascension d'une montagne ou autre. Donc on participe à tout ça, et c'est très chouette. Donc au niveau local, il y a ça, et puis après au niveau national, toujours avec Michel Simès, les conférences. Moi, je l'appelle le doc, comme sur Fun. Ouais, carrément. Donc, les conférences bien-être au travail, donc on parcourt toute la France et on distille des conseils sur bien-être au travail. Et puis, avec Jamy de l'émission C'est pas sorcier. Donc, France 3. Exactement, voilà. Et donc, ça, carrément, on parcourt toute la France aussi, tous les deux. Et là, c'est plus sur le bien manger, bien bouger. Donc, c'est à destination des enfants, des familles, et même des parents et des grands-parents, parce qu'en fait, c'est rigolo comme ils traversent le temps. Parce que lui, ça fait des années aussi qu'il a l'antenne. Ça fait 30 ans, quoi. Et que ce soit ma fille, ben, elle le connaît, moi je le connais, ma maman c'est la connaissait. C'est pas sorcier qui a pas connu ça. Exactement. Pas, hein. Donc non, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux et pour le coup, là je vais lancer moi-même mon petit cycle de conférences partout en France. Ah, c'est donc, bien, ça va être bien aussi. C'est important de faire le tour de la planète comme ça, de la France surtout. Exactement. Déjà pour commencer. Après la planète peut-être plus tard. Pourquoi on va rester humble, on va déjà faire localement, après la région, et puis après on verra national. Alors, Michel ou Jamie, c'est lequel le plus cool? Les deux sont sympas, ils déconnent tous les deux. C'est deux styles différents. Alors, qui est le plus déconneur? Michel, non? Michel, quand même, c'est un déconneur. C'est inarrêtable. Ouais. C'est inarrêtable, mais c'est lui, c'est-à-dire celui qu'on voit à la télé. C'est le même, hein? C'est le même. Ouais. C'est le même. Il se donne pas un personnage. Ah, absolument pas, et Jamie non plus. Par contre, à l'inverse, et là je vais comparer sur les conférences, quand on arrive en conférence, Michel, là on peut arriver. Comme je suis arrivé à la radio. C'est-à-dire, je te salue, je te fais une bise, tac, et puis après on attaque, et voilà. Michel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Jamy, tu arrives 3 heures avant, tu refais la conférence tous les deux. Ah ouais, carrément. Ah ouais, refais. Et il prépare. Et il a besoin, et c'est marrant parce que tu pourrais dire, le mec, après tant 30, 34, 30, 30, 30 ans, il a le job. Et puis il maîtrise les sujets et tout ça. Enfin, on écoute, on boit ses mots. Et pour le coup, chaque mot compte, tout ça. Et puis s'il peut aller chercher la petite astuce pour expliquer de façon vulgarisée, c'est lui. Donc ouais, c'est marrant. La première fois, tu dis, ah ouais, je pensais pas que c'est comme ça. Et puis voilà, c'est deux personnages différents auxquels je m'intègre et c'est très très bien. Tu as deux beaux personnages. Justement, on parlait de sport, de coach sportif, de salle de sport, la tienne, la salle. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Parce que les salles de sport, faut être honnête, j'en ai vu pas mal. Ouais. C'est vrai. Je crois qu'à Fleury, sur un kilomètre, tu dois en avoir une dizaine. je crois, huit, neuf, à peu près. Ouais. C'est pas trop. Est-ce que les gens ont envie de faire du sport ou est-ce que c'est trop? Est-ce que là, on va trop loin, vraiment? J'ai même envie. Après, on a plus le temps de s'occuper peut-être personnellement du coach sportif. Là, c'est un très beau sujet dans lequel tu plonges. Ouais. Alors déjà, qu'il y ait plein de salles, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Mmh. Et je vais dire malheureusement, je pense pas que ça va freiner. Je pense même qu'on est à la préhistoire de tout ça parce que au final, aujourd'hui, les salles, il y en a de plus en plus. Ouais. Mais malheureusement, de la sédentarité, il y en a de plus en plus. De la malbouffe, il y en a de plus en plus. Mmh. Et donc, les gens vont, qu'on le veuille ou non, mais aujourd'hui, on est l'une des régions dans lesquelles il y a plus d'obèses. Il y a 20% d'obèses dans la région centre. Ouais. Et pour le coup, tout le monde va devoir se sensibiliser sur l'activité physique, même pas le sport, tu vois, je délaisse les salles, c'est-à-dire que juste se bouger aujourd'hui, il y a très peu de gens qui aujourd'hui marchent régulièrement, qui vont faire du vélo pour aller au travail ou autre, simplement pour aller chercher le pain, on va utiliser sa voiture, donc redonner du mouvement, que ce soit pour les adultes, mais aussi les enfants dans les écoles, il faut redonner du sens à tout ça, et pour le coup, il y a de plus en plus de salles, de plus en plus de services, donc si tout le monde peut tirer son beurre de tout ça, tant mieux, mais il est sûr que plus les années vont passer, et plus il va avoir des lieux dans lesquels on va pouvoir s'entretenir. Ouais. Après, comme tu l'as dit, il y a des salles qui vont être très haut de gamme avec un tarif, il y en a d'autres qui vont être low cost, mais qui sont pour le coup très bien aussi. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'accompagnement, donc attention, on va éviter de faire du copier-coller, c'est-à-dire que c'est pas parce que le voisin s'entraîne comme ça va me correspondre à moi. Exactement. Peut-être que moi je vais avoir certains maux, peut-être que je vais avoir certaines préventions, des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, de tendons. Ouais. Donc attention, le seul bémol de ces salles-là qui sont pour le coup même très bien équipées, c'est juste l'accompagnement. Donc il y a pas beaucoup d'accompagnement. Alors je sais qu'il y a pas le petit mot du coach comme toi qui va dire attention le dos, fais gaffe parce qu'il y a ça, le pied, attention. C'est ce qui fait la différence dans les tarifs après, c'est-à-dire que je paye pas cher, mais au final, j'ai pas le service complet. Mmh. Et même à Paris, pour te dire, aujourd'hui ils en sont au point qu'au final tu mets des jetons dans les appareils. Par exemple, tu vas faire 20 minutes d'elliptique ou 20 minutes de tapis de course, et après c'est un système de jetons, et même la douche, si tu prends une douche, tout ça. Tout est timé, donc tout est calculé. C'est ça, au final tu vas payer 10 euros par mois, mais après plus un tarif, plus 2, plus 3, plus 4, ça va te ramener un tarif plus cher. Donc les gens qui s'entretiennent, c'est très très bien et c'est essentiel. Par contre, n'hésitez pas à vous renseigner à droite à gauche ou à vous faire accompagner au moins sur quelques séquences pour après savoir où vous allez et que ce soit adapté pour vous, quoi. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui veulent juste faire du vélo pendant 40 minutes. Ils veulent pas de coach. Ils veulent faire du vélo. C'est tout. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser les personnes. Il faut sensibiliser tout le monde dans le système éducatif aussi pour pouvoir faire en sorte que le mouvement réintègre le quotidien des gens. Aujourd'hui, ça devient une option. Quand j'entends parler des gens qui me disent, tiens, ce week-end, j'ai marché 1 heure, 2 heures. J'ai envie de dire, mais heureusement que t'as marché 1 heure ou 2 heures, quoi. Et aujourd'hui, la norme devient une exception. Et pour le coup, si les personnes, elles pouvaient intégrer un petit peu de mouvement de leur quotidien, pour une personne qui est dans un bureau, elle va rester assise 6 heures, 7 heures. Aujourd'hui, pourquoi on n'imaginerait pas équiper toutes les entreprises, après je sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, de bureaux debout, ou en tout cas qui peuvent se mettre en position debout ou assis, ou se sensibiliser avec un système de tracker d'activité sur son téléphone en disant, attention Franck, attention Nordine, on est resté trop assis. Ça fait, maintenant, on va se coucher. Depuis le 2h. Pourquoi avec mon associé, avec Brice, on fait des réunions, on fait du vélo pour faire les réunions ou on marche en bord de Loire pour faire les réunions? Pourquoi aujourd'hui les entreprises ne feraient pas ça aussi? Et ça permettrait justement pour les personnes de se dire, bah ouais, plutôt que de se faire une réunion de 2h, 3h où en plus on risque de s'endormir, et ben pour le coup, pour être réceptif et puis s'oxygéner. Sur le bord de Loire. Exactement. Voilà, on se fait une réunion en vélo, à pied. Ben ouais, il n'y a rien de compliqué. Et là, il y a des sociétés qui nous écoutent. Je sais qu'il y a Nadia qui nous écoute, ils ont une société, ils vont prendre l'idée, attention. Mais ça, c'est plein de petites astuces qui peut être mettre au quotidien et qui puis pour le coup vont faire du bien à l'entreprise, vont fédérer les gens et ça va ramener en plus de la communication et du bien-être. Ouais. Toi, on parlait de malbouffe, tu luttes pour la malbouffe justement. Hein, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Parce que c'est vrai qu'on est tenté, mais faut tous les fast-food, on est tenté le dimanche soir. Surtout les dimanches soirs. Je sais pas pourquoi. Alors, attention, parce que je pense qu'il faut pas se mettre de barrière non plus. Ce que je veux dire, c'est que la malbouffe, ok, elle est là, on va pas la radier, par contre, on peut composer avec. Ouais. Et aujourd'hui, elle est dans un fast-food, quel qu'il soit, et ben c'est pas une tare. La seule chose, c'est de se bouger et puis de se dire que, bah oui, attention, là, c'est de la malbouffe et tout, mais quoi qu'il en soit, on peut ponctuellement se faire plaisir, à condition que, et ben le reste du temps, on mange équilibré. Et ça, c'est intéressant. Bah, dans la tête des gens aussi, j'ai l'impression. Je te parle des burgers, quand tu vas au fast-food, 4 burgers, Greg Grand Fit et un Coca Light. Bon, là, c'est dans la tête des gens, ça. Mm. Hein, quand on en, faut être honnête. Ben bah, ouais, sauf qu'aujourd'hui, tu vas payer moins cher pour manger ça que bien manger. Et pour le coup, si tu fais des courses de façon équilibrée, tu vas pas payer tant cher. Plus cher que ça. Donc pour le coup, c'est intéressant, mais c'est surtout qu'aussi aujourd'hui, on ne prend plus le temps. Ouais. Et nos vies vont à 200 km/h. Donc le soir, on se dit "Oh, c'est bon, j'ai pas le temps et tout. Bon bah je fais quoi? Un plat cuisinier ou je vais me chercher un truc à emporter." Voilà. Alors que si on apprend à cuisiner, il y a un an et demi, j'ai fait venir chez moi une cuisinière pour m'apprendre à cuisiner correctement. Ouais. Pour m'apprendre, parce que je me suis dit, bah tiens, pour ma fille qui est à côté de moi, c'est quand même bien qu'elle puisse avoir des bases d'alimentation équilibrées et puis qu'elle puisse apprendre à aimer les légumes, à aimer les fruits, tout ça. Bah justement, ta fille, est-ce qu'elle mange équilibré? Tu manges beaucoup de légumes avec papa, beaucoup de fruits? Bof. Voilà. Alors, non, mais le pire, c'est qu'elle aime. Qu'est-ce que t'aimes comme légumes que moi j'aime pas? Qu'est-ce que t'as d'avoir des légumes? Bah, je sais pas, moi, les concombres. Ouais, les concombres, et quoi d'autre? Celui qui devient fort comme ça. Les épinards. Ah, les épinards. Elle adore ça, voilà. Donc, mais si on intègre un tout petit peu, il n'y a pas besoin de se dire attention, ne mangez que ça ou quoi que ce soit. Parce que l'essentiel, c'est vraiment de composer avec tout ça. Ouais. Et nous, il faut vraiment que, en tant que parents, on puisse être les messagers de demain. Et pour le coup, si en se disant bah tiens, je vais manger un petit peu de légumes, un peu de fruits, une petite soupe, on fait découvrir ou quoi que ce soit. Ouais. Si on prépare en avance, rien ne nous empêche le dimanche soir de préparer 2-3 plats, de se mettre au frigo ou au congèle et après de se dire bah tiens, au moins c'est réchauffé ou je peux l'emporter au travail. On a gagné, sauf qu'aujourd'hui, en allant trop vite, on se dit bon bah ouais, ça va être sandwich, ça va être hamburger, ça va être tout ça. Ça va plus vite. C'est l'accumulation de tout ça. Okay. C'est pas une tare, ça, c'est juste l'accumulation. Bon, il nous reste 3 minutes, Nordine. La suite, l'avenir pour Nordine à table, c'est quoi? Il y a des projets qui vont arriver là assez rapidement? Alors comme je l'ai évoqué, toute ma série de conférences qui va parcourir la région et puis la France à destination du grand public et des entreprises. Donc ça va être un angle phare sur lequel je vais aller. Toujours continuer la télé, que ce soit au magazine de la santé, mais aussi sur France 3 région. Et puis bien entendu, défendre tout un tas de causes, comme les foulées roses. Maintenant, ça faisait 5 ans. Ouais. Voilà, il y a d'autres causes qui me tiennent. Ça te porte au cœur, ça, non? Forcément. Et puis je pense que c'est intéressant de pouvoir redistribuer aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec un petit peu le petit côté visible que je peux avoir, si grâce à ça on peut fédérer et défendre certaines causes et faire en sorte que les gens s'associent pour pouvoir ramener des fonds ou autres sur une noble cause, c'est top, ça. Ouais. En tout cas, top comme toi. Voilà. C'est gentil, je crois. Au top. Merci d'être venu, Nordine à table, aujourd'hui sur, en Radio 5, non, c'était à l'époque, sur France Bleu non plus, sur Arc-en-Ciel. Bravo, en tout cas. Je sais que tu vas souvent dans d'autres radios un peu publiciter toutes ces causes, justement, aussi pour les foulées roses, pour plein de choses. Plutôt qu'une radio, c'est une affaire d'homme et je vais dans les radios ou dans les émissions de télé avec lesquelles j'ai des vrais rapports et avec toi j'en ai un, donc c'est ça l'essentiel. À chaque fois t'acceptes le rencard et j'aime bien. Merci ta fille, au revoir mademoiselle. Au revoir. Tu veux dire un petit mot pour finir? Allez, vas-y, je te laisse le mot de la fin. On dit quoi? Allez, on dit pas. Non. Est-ce que t'as des amis à l'école? T'as des copains à l'école? Ouais. Des copines? Oui. Bon, alors donne un nom ou un prénom alors. Vas-y. À qui tu dis mot? À ta copine. On dit qui? On dit qui? Une copine. Flore.